Chapitre 12e. Gondet, servi par un hasard prodigieux, venait de faire une découverte singulièrement importante. Il essaya, mais en vain, de suivre la trace de l'être mystérieux qu'il venait de retrouver sous la robe du missionnaire. Celui-ci disparut bientôt derrière les impénétrables futaies, un homme auquel sont familières les courses en forêt. Gondet ne chercha pas à savoir quel pouvait bien être l'audacieux gredin, portant avec une telle aisance l'habit du prêtre et celui du soldat. Cette facilité d'adaptation à des rôles aussi différents ne pouvait être que le fait d'un homme rompu à toutes les intrigues, ignorant les préjugés, capable de tout, enfin un des grands dignitaires de cet enfer qui s'appelle le bagne. Malgré l'instinct du chien Mataou et son infaillible odorat, le libéré vit bientôt l'inutilité de sa poursuite. Non seulement l'inutilité, mais encore le danger. Telle est en effet la configuration du formidable parterre de la fée guyanaise, fouillis inexplorés, féconds périls de toutes sortes, et à travers les méandres duquel le chasseur devient à son tour gibier, que Gondet pouvait être en un moment à la merci de l'inconnu grâce à un retour offensif de celui-ci. Le pauvre diable le comprit si bien qu'il rompit la quête du chien rapportant comme trophée la robe noire trouvée accrochée à un buisson. Il renaît donc, piteusement, accompagné de l'animal qui, en limier bien élevé, le précédait de trois pas à peine, sans se presser, sans s'arrêter, et en aspirant un petit coup saccadé de son nez noir comme une truffe, les émanations de la forêt. L'homme, l'œil et l'oreille au guet, scrutait aussi ce petit coin de l'infiniment grand. Vieille habitude de coureur des bois auquel rien d'anormal ne doit échapper. Bien lui prit de ne pas négliger cette indispensable précaution, car il aperçut émergeant du sol la base d'un de ces pétioles ligneux, bruns, coriaces, qui supportent les folioles du palmier Makoupi. Tout homme étranger à la vie sauvage passerait indifférent devant une simple queue de feuille, quand bien même cette feuille composée aurait 3 mètres de long et que la queue serait de la grosseur du pouce. C'eût été une grosse faute, et Gondet se garda bien de la commettre. La feuille était enterrée. L'extrémité du pétiole qui sortait mesurait à peine 10 centimètres de longueur et ce pétiole était sectionné en biseau comme avec le sabre d'abattu. Le libéré s'assura que les arêtes coupantes ne recelaient aucune substance vénéneuse et pour plus de précaution, il décortiqua avec son sabre la tige ligneuse du monocotylidone. Puis, il s'arc-bouta et tira de toutes ses forces. La feuille entière s'arracha et apparut avec ses folioles froissées mais bien vertes. Cette feuille, se dit non sans raison Gondet, a été enfouie depuis peu de temps, et elle ne s'est pas enterrée toute seule. Si j'allais en trouver d'autres, creusons. Matao, qui était apte à toutes les besognes, voyant l'homme retourner la terre avec son sabre, se mit incontinent à fouiller avec fureur, comme s'il cherchait un tatou. Le vaillant animal fit tant et si bien, qu'en moins de 2 minutes il mit à découvert au moins 1 mètre carré de litière verte, formée de feuilles bien tassées. Il est bon de dire que la couche de terre fraîchement remuée n'avait pas plus de 20 centimètres d'épaisseur. « Tiens !» reprit en aparté Gondet, « mais c'est un silo. Que diable peut-il bien y avoir là-dessous ? Allons, Matao, cherche, cherche, mon brave chien !» Matao, encouragé de la voix et du geste, reprit sa fouille avec acharnement. Il arracha brusquement l'épaisse couche de frondaison et disparut presque entièrement au milieu des végétaux hachés. Il sembla au libéré que les griffes de l'animal grinçaient sur une surface dure et lisse qu'elle ne pouvait entamer. « Ici, Matao, ici » dit-il doucement. Le chien bondit hors du trou et resta bientôt planté sur ses 4 pattes, la queue droite, le museau tendu, gardant ce bel arrêt qui fait tressauter le cœur du chasseur le plus aguerri. « Que diable cela signifie-t-il » se dit Gondet, plus intrigué que jamais. Il se pencha et lança au fond de l'excavation un léger coup de pointe. La lame du sabre rendit un son métallique. Le libéré se sentit frissonner de la tête aux pieds. Il se jeta corps perdu sur le sol, fouilla, arracha, gratta des pieds et des mains, puis, haletant, courbaturé, en lambeaux, il s'élança en disant au chien, toujours immobile, « Reste ici, Matao, attends-moi, mon chien !» L'intelligent animal remua doucement la queue, comme pour dire « J'ai compris !» et resta ferme comme un roc. Cet épisode n'avait duré qu'une demi-heure. Gondet arrivait bientôt au milieu des Robinsons, inquiet d'une absence aussi prolongée. Le pauvre homme, transporté d'une joie folle, bégayait, suffoquait et semblait transfiguré. « Oh oui, une fière trouvaille, allez, monsieur Robin. La destinée me devait bien cela. Mon Dieu, allez-vous être heureux ? Voyons enfin, Grandet, dit doucement l'ingénieur. Qu'a-t-il ? Qu'avez-vous rencontré, mon brave garçon ? Monsieur Robin, venez, venez vite. Vous avez vu bien des choses en votre vie, mais vous n'avez jamais rien contemplé de pareil. Mais quoi ? Eh bien, un chien, en arrêt, devant une machine à vapeur. Non, je ne suis pas fou, reprit-il avec une exaltation qui donnait un apparent démenti à ses paroles. J'ai touché, j'ai vu, c'est bien caché et proprement emballé. Cela reluit comme de l'argent. Venez, je vous en prie, venez vite. Robin, Charles et Nicolas se précipitèrent, pleins d'une ardente curiosité. Grandet n'était pas fou. À moins de 50 mètres, s'élevait autour de l'excavation un épais morceau de débris sur lequel se tenait Matao comme la statue de la vigilance. Un mince rayon de soleil, descendant à travers les cimes, filtrait comme une coulée d'or jusqu'au fond du trou et faisait scintiller les tubes et les robinets d'une jolie machine à vapeur. « Notre machine !» s'écria Nicolas et Charles radieux. « Merci, Grandet, dit avec émotion Robin. « Vous venez de faire grand bien à notre colonie. « Ce n'est pas tout. Il y a aussi les marteaux pilons. Je les sens. Ils sont là, rangés autour de la machine. Il y a encore autre chose. » « Dieu que c'est lourd !» continua le libéré qui fouillait de plus belle. « Ce sont nos touris à mercure, » reprit Charles. « Père, tu entends, notre mercure. L'exploitation est dorénavant possible. Qu'allons-nous faire maintenant ? Cela me semble tout indiqué. Exhumer au plus tôt nos engins de travail si providentiellement retrouvés, les arrimer de nouveau et rentrer à l'habitation. Cette fois, nous ferons bonne garde, n'est-ce pas, Grandet ? Oh oui, monsieur Robin, bien hardi et bien malin, celui qui pourra me mettre dedans. Mais, demanda Henri, par quel procédé allons-nous opérer le transport d'une pareille masse de fer ? Les voleurs n'ont pas été embarrassés pour si peu. Ils étaient peut-être plus nombreux que nous. N'avons-nous pas les Indiens de Wempi qui, moyennant une bonne récompense, pourront, une fois en leur vie, remplir l'office de charroyeur ? C'est inutile, reprit Charles avec vivacité. Nous n'avons pas oublié, Nicolas et moi, lorsque nous avons commandé en Europe notre matériel, de faire fractionner autant que possible tous ces instruments de façon à les démonter par pièces pesant au plus 30 kilos. C'était élémentaire, en effet, puisque dans l'état actuel de la colonie, et vu l'absence de routes et de bêtes de trait, les transports ne peuvent s'opérer que par des hommes. Aussi, nos marteaux pilons ne pèsent-ils que 30 kg, 5 kg seulement de plus que la charge réglementaire imposée par le gouvernement. Quant à la machine elle-même, le constructeur de Bayeux lui a donné des dimensions incroyablement petites eu égard à la somme étonnante de forces déployées. 6 hommes vigoureux pourront la transporter sur un terrain plat jusqu'à la côte. Bravo, et à l'œuvre ! Termina Henri en développant sa puissante musculature. Tu as réponse à tout, mon cher Charles. Pendant que les Robinson, avec leurs prodigieuses activités, se mettent en devoir d'opérer le transport de la cargaison, revenons au Carbet, dont les habitants sont à peine remis de la brusque irruption de Grandet et de la retraite de celui que tous avaient pris pour un véritable prêtre, tant le misérable avait bien joué son rôle. Les Indiens, interdits tout d'abord et quelque peu scandalisés, avaient repris, avec la mobilité particulière à leur race, leur habituelle insouciance. Les deux jeunes misses, atterrées de la disparition de leur père et de la maladie de leur mère, pleuraient silencieusement entre les bras de Madame Robin. Les pauvres enfants voyaient avec angoisse le visage de leur cher malade se décomposer rapidement. L'œil atone n'avait plus de regard. De la bouche douloureusement contractée s'échappait avec des paroles sans suite une respiration rauque, entrecoupée. Une sueur épaisse couvrait la face congestionnée d'abord et devenue bientôt pâle comme de la cire. C'est en vain que Madame Robin, depuis longtemps, hélas, familiarisée avec toutes les périodes et toutes les variétés de cette terrible fièvre de Guyane, s'efforçait de consoler les infortunées jeunes filles. Les ingénieuses tendresses de cette femme admirable entre toutes les mères et toutes les épouses étaient pour le moment inutiles. « Ma mère est perdue, ma mère se meurt, » sanglotait Lucie. « Madame, » gémissait Marie, « sauvez-la, au secours. Pour vos chers enfants, espérez. Tout ce qu'une longue et douloureuse expérience nous a enseigné, tout ce que le dévouement est susceptible d'accomplir, nous le tenterons. Il faut attendre la fin de l'accès. Mais elle va mourir. Voyez comme elle est froide. Grand Dieu, elle ne nous connaît plus. Et ce délire, ces mots sans suite. Mère, c'est moi, nous sommes là. Espérez, mes enfants, espérez. Avant 1 heure, l'accès sera passé. Nous administrerons la quinine. « Oh, madame, pourquoi attendre? Il le faut !» reprit avec une affectueuse fermeté madame Robin. « La quinine, prise au moment de l'accès, pourrait en augmenter l'intensité et faire courir un danger sérieux à votre chère malade. Ce danger n'est-il pas terrible en ce moment ?» demandèrent avec une lueur d'espoir les jeunes filles. « Non. Si nous pouvons prévenir le retour de la fièvre, ou tout au moins l'atténuer si elle reparaît, votre mère guérira bientôt. « Oh, madame, que vous êtes bonne !»« Et combien nous vous aimons !» s'écrièrent-elles en souriant au milieu de leurs larmes. « Je suis femme et je suis mère !» répondit simplement madame Robin. « Lomi, mon enfant, que veux-tu donc ? » demanda-t-elle au jeune Bonnie, qui s'avançait gauchement, mais avec une sorte de vénération, en portant un grand flacon plein d'une eau limpide. « Petite indienne, même au flacon, pour tirer coup de soleil à madame Blanc, là. Mais elle n'a pas de coup de soleil. « Mot croyez-si, madame, tout le monde pour rouge croyez même. »« Que dit-il, madame ?»« Que ce bon noir pense que votre mère est frappée d'insolation, et il me prie de lui appliquer le remède créole usité en pareil cas. »« Nous en prions aussi, madame, » dirent-elles en jetant à Lomi un regard de reconnaissance. « Ce remède est inoffensif, n'est-ce pas ?» Bien inoffensif et je le crains, hélas, bien inefficace aussi. N'importe, je ne veux pas vous priver de cette satisfaction. Donne ton flacon, Lomi. Le Bonny s'approcha et remit à la femme du proscrit un de ces vases de verre blanc à collet vasé, servant en Europe à renfermer les conserves de fruits. Il était plein d'eau et contenait en outre un certain nombre de grains de maïs avec une bague d'argent. L'ouverture était fermée par un simple linge attaché circulairement avec une ficelle. Le siège de la douleur ressenti par Mrs. Arabella semblait être au front, car la malade portait de temps à autre la main à sa tête, avec ce geste automatique des personnes atteintes de méningite. Madame Robin inclina doucement le flacon, puis le renversa complètement, le fond en haut, de façon que le large goulot couvert par le lambeau de toile s'appliqua sur le front. Puis elle attendit patiemment en maintenant le contact. Les deux jeunes filles étonnées virent alors s'opérer un phénomène singulier. L'eau contenue dans le flacon se trouvait naturellement à la température ambiante et pourtant une vive effervescence se manifesta tout à coup. Les grains de maïs s'agitaient en tous sens, ramenés de la périphérie au centre par un tourbillonnement continu comme des pois dans une marmite en ébullition. Cette eau paraissait effectivement bouillir car de grosses bulles s'y formaient spontanément, disparaissaient pour se reformer encore. Les Indiens avec les deux bonnies formaient un cercle et contemplait avec une évidente satisfaction cette singulière opération. Cela dura 1/2 heure. Puis, soit que l'accès fébrile eût de lui-même disparu comme s'y attendait Madame Robin, soit que le bizarre remède indigène eût opéré la respiration de la malade, s'adoucit peu à peu, les couleurs revinrent lentement, le délire tomba, elle s'endormit doucement. Les jeunes filles étonnées, radieuses, transfigurées, n'en pouvant croire leurs yeux, embrassaient Madame Robin en versant des larmes de bonheur. « Hein, hein ?» murmura Lomi, dont les gros yeux de porcelaine roulaient avec une jubilation profonde. « Bonne madame qui ait tiré ça à coup soleil là, oui, tiré bonbon même. »« Que dit-il ? » demanda Lucie. « Que j'ai bien tiré le coup de soleil. » Puis, voyant que sa jeune interlocutrice ne comprenait pas cette expression créole, elle reprit. « Ou, si vous aimez mieux, que le contact de l'eau contenue dans le flacon a fait disparaître la douleur ressentie par votre mère. » « Mais nous le croirions volontiers. » « Et vous, madame, ne partagez-vous pas notre avis? Voyez comme notre bonne mère est calme en ce moment. »« Mes chers enfants, je réserve mon opinion. Ce remède bizarre est toujours employé par les habitants de la Guyane, noirs, indiens et mulâtres. Les créoles blancs et les Européens eux-mêmes l'appliquent volontiers et tous s'accordent à en bénir les effets. Aussi, il n'y a pas de village, pas de carbet éloigné, pas de casse perdue au fond des bois, où l'on ne trouve un de ces flacons à conserve venus d'Europe et que chacun garde avec un soin tout particulier. Il contient de l'eau pure, 13 grains de maïs et une bague d'argent. L'usage, vous le voyez, en est bien simple et malheureusement trop fréquent. Je ne saurais m'expliquer ce phénomène d'ébullition qui s'accomplit sans que la température de l'eau semble être modifiée. L'on prétend que ce bouillonnement se produit exclusivement dans les cas d'insolation bien avérée et seulement sur le point spécialement congestionné par le contact du soleil équatorial. Il m'est impossible de vous donner aucune explication à ce sujet, et mon mari, qui sait pourtant beaucoup de choses, n'a pas davantage trouvé la cause scientifique du phénomène. « Chère madame, Qu'importe cette cause, puisque les faits existent, nous le croyons, du moins. Cette superstition, si c'en est une, nous rassure. Nous sommes si heureuses de voir que le mieux survenu dans l'état de notre bonne mère a suivi de si près votre tentative. Moi aussi, chers enfants, je suis bien heureuse. J'attends maintenant le réveil de notre malade, pour lui donner le remède par excellence, la panacée héroïque des maux causés par le miasme de la forêt. Le sulfate de quinine. Cette affectueuse causerie allait continuer longtemps, peut-être, quand la fuite précipitée des Indiens vint l'interrompre brusquement. Wemby parlait avec volubilité. Il pressait l'embarquement de son clan. Les pagayeurs étaient déjà en place, et le capitaine accélérait les retardataires à grands coups surabondamment distribués avec sa canne de tambour-major. Les femmes, chargées de pagara ficelées précipitamment, s'enfuyaient, portant en outre un ou deux enfants à cheval sur chacune de leurs hanches et maintenus par une lanière de coton accrochée en bandoulière. Ces pauvres créatures étaient, comme toujours, largement favorisées par le grand chef qui semblait remplir un pontificat. Tout en faisant ses moulinets, le bon apôtre dialoguait avec Robin qui le pressait avec assez de vivacité. « Non, mouché, » répondait-il invariablement. « Non, Moka pas pouvait travailler. Mopa neg non, pour porter sa bête là sur mes épaules. »« Voyons, Wempi, je te donnerai du tafia, de la poudre, des calimbés, un fusil. Commande à tes hommes de travailler un peu. » L'offre d'un fusil parut le faire hésiter un moment, puis... il reprit avec ce proverbial entêtement des Indiens que rien ne peut fléchir. « Non, mouché, Mouka pas pouvait, non. Allons, bonjour, mouché, bonjour, madame, nous patikaba. » La flottille disparut bientôt au bruit cadencé des pagaies, et Robin, moitié riant, moitié fâché, rentra au carbet en disant « La paresse de ce vieux drôle est décidément incorrigible. Allons, nous terminerons notre besogne nous-mêmes, ce sera l'affaire de 2 heures. » « Il nous faut absolument regagner ce soir l'habitation. Nos malades exigent des soins tout particuliers. Il faut à Mrs. Brown le séjour plus salubre de notre vieux terrain depuis si longtemps défriché. Là, les miasmes ne sont plus à craindre. Quant à M. Duvallon, bien qu'il soit robuste et endurci à toutes les fatigues, j'appréhende pour lui ses allées et venues continuelles. La fièvre serait peut-être mortelle pour lui. » L'arrimage des marteaux-pilons, des touris à mercure et des appareils de transmission allait être terminé. N'oublions pas que les Robinson étaient 9, en comptant les deux Bonny et Gondet. 9 hommes vigoureux comme eux sont susceptibles d'accomplir une besogne devant laquelle reculerait une 30aine de travailleurs ordinaires de la Guyane, ce pays par excellence du Farniente. Restait la machine. Robin comptait l'enlever au moyen d'un palan frappé sur une petite bigue analogue à celle dont on se sert dans la marine pour dresser ou amener la mâture. Lomi et Bachelico, bûcherons incomparables comme le sont tous les noirs du Maroni, abattirent en quelques minutes 2 pièces de bois de moyenne grosseur. Les madriers furent mis debout, au-dessus de la cachette. Ils demeurèrent écartés à la base et attachés au sommet par une liane de façon à former un triangle. Un palan fut assujetti à la partie supérieure afin d'élever le fardeau et une poulie de renvoi fixée à l'une des 2 jambes afin de rendre horizontal le câble servant à la traction. Le canot possédait heureusement plusieurs amarres fines et solides en excellent chanvre goudronné ainsi qu'un suffisant assortiment de poulies. L'excavation pratiquée à la hâte par les voleurs était peu profonde et l'opération s'accomplit rapidement comme sans difficulté. La chaudière demeura suspendue à la bigue. Les 2 Bonny, fort passés mailles pourries, comme ils disaient en riant, vinrent poser leurs robustes épaules sous la masse de fer et la soutinrent sans fléchir. Robin et Henri, les 2 athlètes blancs, se joignirent aux Hercules noirs et lentement, posément, pas à pas, en rythmant bien leurs mouvements, les 4 hommes s'acheminèrent vers le fleuve. Cette besogne écrasante, sans jeu de mots sans temps, fut l'affaire d'un quart d'heure. Puis la bique fut transportée sur la berge. La manœuvre qui avait présidé à l'exhumation de la chaudière fut renouvelée sans désemparer. Le chef-d'œuvre de mécanique contemporaine reprit sa place sur la quille de la grande embarcation de Gondet, que le canot à vapeur avait remorqué précédemment. Robin allait donner le signal du départ. Il activait les derniers préparatifs sans avoir même pensé à prendre un instant de repos. « Allons, enfants, » disait-il, « hâtons-nous. Nos malades ont besoin de calme. Il faut qu'ils passent la nuit prochaine à l'habitation. » Aussi, tout fut-il paré en un clin d'œil. Mrs. Brown et M. Duvallon furent transportés sous la tente de l'arrière avec d'infinies précautions. Madame Robin avec les deux jeunes filles prirent place à leur côté. Les Robinson allaient embarquer quand une petite pirogue, à laquelle nul jusqu'alors n'avait fait attention, accosta venant de l'autre rive. À leur profonde surprise, ils reconnurent l'Indienne dont Charles avait sauvé l'enfant mordu par le crotal. La jeune femme, qui pagayait avec une force et une habileté prodigieuses, amenait son nouveau-né avec son petit malade. Son œil noir, obscurci par les larmes, se fixa sur les blancs. Elle sourit tristement en reconnaissant Charles. Elle prit le bébé café au lait, se dirigea vers le jeune homme et lui dit « Ils ont tué le père ce matin. Je n'ai plus de carbet, plus de poisson, plus de manioc. Les enfants vont mourir de faim. Le jeune blanc est bon. Il n'a pas voulu que l'enfant rouge mourût quand le serpent l'a mordu. Le blanc veut-il donner à manger au fils de la femme qui pleure son mari assassiné ?» Charles, ému, prit le petit indien et le tendit à Madame Robin qui le couvrait de caresses. « Venez, ma fille !» dit ensuite à l'indienne, à l'excellente femme, en lui faisant signe de prendre place dans l'embarcation. Celle-ci secoua doucement la tête et déposa son fils aîné tout épeuré dans le canot. « Vous refusez de venir avec moi ?» demanda Madame Robin étonnée. « Non, plus tard, car l'indienne a un devoir à remplir. Elle veut guider dans la forêt les blancs dont le bras est si fort et le cœur si bon. Elle a trouvé la piste de ceux qui ont tué son époux et volé les blancs. Que les blancs la suivent, elle leur montrera l'endroit où leur trésor est caché, puis elle vengera le mort. » Pour la troisième fois, les Robinson quittèrent la terre hollandaise, traversèrent le Maroni et regagnèrent le territoire français. L'Indienne avait dit vrai. Les provisions, les munitions, les instruments de culture et d'exploitation, tout le reste de la cargaison, caché par les voleurs au milieu d'impénétrables fourrés, furent retrouvés grâce à la reconnaissance et à la sagacité de l'Indienne. Rien ne manquait, non plus que les caisses de dynamite apportées en vue de l'exploitation des filants de quartz aurifères. Deux des trois embarcations de Gondet ayant précédemment disparu, et la seule qui restait étant pesamment chargée, il fut décidé que l'on ferait à l'habitation un premier voyage. Nicolas, Charles et les Bonny remontèrent avec les passagers que portait le canot de papier, pendant que les autres Robinson montaient la garde près de leur trésor. Peine inutile d'ailleurs, car les bandits de l'Équateur ne tentèrent aucun retour offensif. Après 6 journées entières d'un travail acharné, après 3 voyages consécutifs à l'habitation, les Robinson étaient en possession de tous les objets rapportés d'Europe et grâce auxquels ils comptaient opérer sur les terres sauvages de la Guyane la pacifique dévolution du travail et de la prospérité.